Chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, profitez des rabais automnales. Louez le F-150 2019 à 99 $ par semaine ou encore le Ford Escape 2019 à 0% sur 72 mois. Jean Dumas Ford, 1711 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. N'hésitez pas à devenir membre de notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Ford, là où l'expérience client est inégalée. Tout le personnel et la direction de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini vous incite fortement à acheter localement pour préserver les emplois de chez nous. On va parler avec notre ami Pascal Masson de la Ligue canadienne de football. Salut Pascal. Salut Danny. Pascal, la nouvelle cette semaine, évidemment, c'est le congédiement de Jim Popp chez les Argonauts de Toronto. C'est la grosse nouvelle dans la Ligue canadienne de football. Jim Popp, écoute, il n'y a rien de surprenant, quoique les Argonauts jouaient beaucoup, un peu mieux. Moi, j'ai jamais compris pourquoi ce gars-là avait été engagé à Toronto, parce que dans le fond, là, quand il était à Montréal, tu voyais que ce gars-là avait perdu le feu sacré. Il dirigeait à partir de la Caroline. Il me semble qu'un DG qui a vraiment le feu sacré est sur place. Comment t'as vécu ça, toi? Dis cela? Un, deux tests, Pascal? Oui, salut Danny. Ouais, j'avais perdu, là. OK, on revient? 5, ouais. 4, 3, 2, 0. On va parler de football avec notre ami Pascal Masson. Salut Pascal. Salut Dan. Pascal, évidemment, la nouvelle qui est survenue dans la Ligue canadienne de football cette semaine, c'est le congédiement de Jim Popp par les Argonauts de Toronto. Moi, quelque part, les Argonauts jouent un peu mieux depuis quelques matchs. Par contre, moi, j'ai jamais compris pourquoi il avait été engagé, parce que quand il était à Montréal, tu voyais que c'était clair que ce gars-là avait perdu le feu sacré de la Ligue canadienne. Il dirigeait à partir de la Caroline. Et il me semble que ça gère moins bien quand t'es en Caroline et que t'es pas sur place. Comment t'as vécu ça? Ben, effectivement, tu sais, je veux dire, Jim Popp, on a critiqué beaucoup Kavis Reid, mais il faut comprendre que Kavis Reid avait pas nécessairement reçu une équipe bien loadé, là, que, tu sais, je veux dire, on s'entend pour dire que Jim Popp avait quand même détruit ce que les Alouettes étaient, puis elle faisait quand même partie plus du problème que de la solution. Lorsqu'il était à Montréal, j'étais également surpris de voir Jim Popp engagé à Toronto. En même temps, tu sais, je dis, j'étais surpris, mais souvent, la Ligue canadienne, on aime mieux aller chercher quelqu'un qui connaît la Ligue pour s'assurer que le travail de court terme sera fait rapidement, là, tu sais, et bien fait, dans le sens, les étapes, là, tu sais, de contact, etc., tu sais, on veut moins bâtir sur un directeur général, on veut prendre quelqu'un qui connaît un peu plus ça, et peut-être aussi, on avait une idée que Tressman dirait oui à notre proposition si Jim Popp était dans le décor, mais encore là, tu sais, Jim Popp n'a pas mis une équipe incroyable là, sur pied à Toronto, même l'année qu'ils ont gagné la Coupe Grey. Ça n'a pas été une saison extraordinaire. Par contre, on a connu des bonnes séries, on était opportunistes et Mark Trestman avait bien fait marcher sa magie des séries. Donc, de voir une Coupe Grey, c'était pas comme si on se disait « Hey, Jim Popp a fait des miracles. » Puis là, ben, on a vu dans les années, la saison qui a suivi que effectivement, le feu sacré que tu parlais était peut-être pas là et que là, on est en train de revoir les résultats que Montréal avait dans les dernières années sous la gouverne de Jim Popp. Mais effectivement. Puis là, est-ce que Tressman a été congédié trop tôt? Quand tu regardes ça? Si Jim Popp a été congédié trop tôt? Tressman, tu regardes ça. Tressman, ouais. C'est peut-être plus Popp le problème que Tressman l'an passé. Là. Puis Popp, lui, il a congédié Tressman pour sauver sa peau. Fort probablement ce qui est arrivé. Ben, ça ferait du sens là, de lorsque l'animal est traqué, là, va faire beaucoup d'actions hors. Qui ne sont pas réfléchies nécessairement. Puis, tu sais. Techniquement, c'est sûr que j'étais pas dans l'entourage des Argonauts, mais c'est ça, c'est mon opinion personnelle, là, mais je n'aurais pas pensé non plus que Tressman était le problème. Non. Au contraire, là, le problème, d'après moi, n'était pas à ce niveau-là. Et on a fait les choses peut-être en l'envers du côté de Toronto. Là. Maintenant, on va parler de Pinball Clemons. Pinball Clemons, écoute, c'est Monsieur Argonauts. C'est Monsieur, écoute, je ne l'ai jamais rencontré. Par contre, il a un sourire contagieux. C'est un gars très, très enthousiaste. Moi, j'ai l'impression qu'il va, qu'il va, Que le reste, déjà, Pinball Clemens, c'est une magie pour les gens à Toronto. Je pense que la confiance va être ramenée au moins du côté des fans. C'est-tu d'accord avec moi? Absolument. Pinball, écoute, c'est une personne qui était là depuis, depuis toujours. On identifie les Argonauts à Pinball Clemens. Ouais. Le joueur, l'entraîneur, le directeur général. Et j'ai bien hâte de voir là, ce qu'il va faire avec l'équipe là, pour l'an prochain et les changements qui seront apportés. Mais moi, je suis bien content de le revoir dans la Ligue canadienne et plus particulièrement là, avec les Argonauts. OK. Demain, les Alouettes sont à Winnipeg et on vient juste l'apprendre sur le site tradownnation.com, qui est le site de un site qui est dédié strictement à la Ligue canadienne, que William Stenback ne sera pas là. Et ça, c'est quand même une perte importante du côté des Alouettes à Winnipeg, surtout qu'on annonce quand même des conditions pas faciles. Ben écoute, Stenback, c'est pas mal la pierre angulaire de cette équipe-là, ça c'est sûr et certain. Mm. Je veux dire, c'est vrai que Vernon Adams joue du bon football, il joue du football inspiré. Mais au niveau de faire bouger le ballon, Stenback, c'est quand même notre homme sur qui on s'appuie quand la tempête passe. Là, c'est souvent lui qui va être en mesure de nous garder là, juste assez dans le match pour attendre la bougie d'allumage et de savoir qu'il ne sera pas présent. C'est pas une bonne nouvelle. En même temps, il ne faut pas oublier que les séries éliminatoires s'en viennent et il faut l'avoir en santé. Ben oui. Donc, c'est des stratégies souvent très bien réfléchies du côté des entraîneurs. Mm. Et on a Jeremiah Johnson derrière qui peut quand même qui a déjà été appelé en renfort et qui est en mesure, là, c'est un vétéran là, qui est en mesure de ouais. remplir un certain rôle pendant le prochain match. Donc puis tu sais, les Alouettes, ils en ont eu des défis cette année, hein. Mm. Puis ils ont relevé avec brio. C'est pas une équipe qui s'effondre, là, puis on le voit, là, ils ont beaucoup de caractère. Donc je suis pas nécessairement inquiet pour leur comportement pour le prochain match. Là, ils vont avec le couteau entre les dents puis ils vont vouloir gagner. Mais par contre, il faudrait commencer nos matchs plus tard, plus tôt, c'est-à-dire. C'est souvent au troisième quart, c'est que après la première demi, on a souvent des lents débuts de match. Là. Ben, je veux dire, on a qu'à regarder les statistiques. On n'est pas une équipe, offensivement, je vais parler, là, que statistiquement, on domine l'adversaire. On est surtout très opportuniste et on est résilient. Donc ça, c'est la force des Alouettes en ce moment. Oui, tu as raison, l'idéal serait de partir le match au début du premier quart et d'être en mesure de réaliser ce qu'on fait en deuxième demi dès la première demi. Et là, on ne s'en poserait pas de questions, il n'y en aurait pas de problème. Mais la réalité, c'est qu'il ne faut pas oublier que Bo Levi Mitchell avait lancé pour plus de 300 verges en première demi lors du dernier match, puis on dirait que c'était un match à sens unique et l'équipe s'est relevée en équipe, l'unité offensive, autant que la défense a contribué. Donc, ton commentaire est juste. T'sais, l'idée, c'est de partir dès le début et puis de réussir à se forger une certaine avance. Mais si on regarde les Stampeders la semaine passée, eux, ils ont fait ça, ils ont parti dès le début, ils n'ont pas réussi à finir. Donc, l'idée, c'est également, c'est sûr que c'est de partir en force, mais c'est de finir le match fort et de s'assurer de garder les trois unités réveillées tout le long du match. Là. OK. Pascal, un gros merci. Au plaisir de se parler. On se parle bientôt. Collaborateur des Alouettes de Montréal, Pascal Masson.